Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule, avec aujourd'hui une association Stratège et Maléfice, une association nantaise, pour parler du GN, le Grandeur Nature, avec Aloïs. Bonjour. Qui a eu l'aimabilité d'organiser cette rencontre. C'est grâce à toi qu'on a rassemblé Coem Gun ici présent. Coem, ça va ? Oui, ça va, bonjour. Donc tu vas nous parler du GN motivé. Oui. Et Sam est avec nous également. Bonjour. La pêche, la patate. Parfait. Tous les fruits et légumes. Et puis j'ai ramené avec moi mon contradicteur de l'éternel, Thomas Poussou, est avec nous également. Bonjour. Alors, première question, le GN, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre et étrange ? De temps en temps, on en voit des mecs costumés dans les conventions qui disent « Non, mais on est en train de faire un GN ». Soit, qu'est-ce que c'est ? Alors, quand même. C'est d'abord dérivé pour moi, je crois. Enfin, historiquement, c'est surtout dérivé du jeu de rôle. C'est surtout l'envie de, au lieu d'être autour d'une table à dire je fais ça, on le fait réellement. Et on se fout là, sur la gueule réellement avec des épées en mousse. Et au lieu de faire des jets de dés pour savoir si on touche son adversaire. D'accord. Pour moi, c'est surtout ça. C'est la définition la plus simple. Sam. Alors, moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait que ça dérive directement du jeu de rôle. Je commence directement en contradiction. Ouais. Enfin, les Murder Party, par exemple, qui est un des formats habituels du GN, c'est quelque chose qui est ancien. C'était pratiqué dans les salons anglais dès le début du XXe siècle. D'accord. Donc, on peut se demander, enfin, ça pourrait être la question de la poule et l'œuf, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qui est arrivé en premier? Est-ce que c'est... Alors, tiens, j'ai envie de te poser la question pour toi, personnellement. T'as commencé par faire du jeu de rôle ? Alors moi j'ai commencé par faire du jeu de rôle, ouais. Ouais, tout à fait. Bah, j'ai découvert le jeu de rôle parce qu'il y a des amis qui me l'ont présenté, donc j'ai commencé par ça. Mais par contre, j'ai ma compagne, par exemple, qui elle a commencé par le GN. C'est un cas plutôt rare, mais ça arrive. Alors j'ai lu sur internet que a priori les femmes, la proportion féminine qui hante les corridors des associations de jeux de rôle proviennent en majorité du GN en fait. C'est ce qui les attire en premier lieu. Donc bon, voilà, c'est une statistique, hein, donc ça veut rien dire. On le constate assez, honnêtement, dans le GN, le sexe ratio en général, il y a beaucoup plus de nanas dans les GN que dans les parties de jeux de rôle. Enfin, j'ai l'impression, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Après, on n'a pas fait de statistiques, Mais je pense qu'il y a un côté vachement moins geek dans sa cave, qui est vachement plus intéressant après. Thomas. Je trouve l'information très intéressante. Donc, vous, amis rôlistes, si vous voulez rencontrer des femmes, faites pas de jeux de rôle, hein. Faites du GN. Faites du World of Warcraft. Coem Gun. Donc, par rapport au GN, toi, est-ce que tu as commencé par le jeu de rôle d'abord ou est-ce que tu as commencé par le GN ? J'ai commencé par le jeu de rôle, tout simplement, parce que j'ai commencé vers 13 ans le jeu de rôle et à cet âge-là, c'est complètement impossible de faire du GN. Il n'y a aucune asso pour des raisons très simples d'assurance et puis même la maturité. Parce qu'honnêtement, je pense que faire du GN à cet âge-là, ce serait un petit peu caricatural. C'est un petit peu dur de s'entendre quand on a 13 ans avec des gens de 25 ans. Je ne pense pas que ça marche bien. Sam, tu voulais... Non, excuse-moi, je te voyais lever ton micro. Oui, c'est vrai que le GN, c'est un loisir qui attire souvent des personnes un peu plus âgées, entre guillemets. Plus variées, en fait. Une population peut-être plus variée, je sais pas. Ouais, c'est assez hétéroclite. Enfin, que j'avais été très surpris quand j'ai commencé le GN, de voir qu'il y avait vraiment des gens de tout milieu, de toutes conditions sociales, etc. C'est vrai que c'est très, très varié. Mais enfin, moi, de ce que j'ai vu dans le jeu de rôle, c'est le cas aussi. Après, Tom, tu voulais intervenir ? Moi, j'avais une question, parce qu'en fait, quand vous parliez du GN, d'un côté, j'ai entendu comme quoi il y avait des épées en mousse, et d'autre que dans les sociétés anglaises, au début du XXe siècle, on jouait à des murder parties, soirées enquêtes. Mais ça veut dire que dans ces sociétés-là, ils se mettaient des coups d'épée dans la gueule, ou il y a une variante dans les GN, dire qu'on peut jouer, il n'y a pas que du médiéval, il y a peut-être d'autres époques, parce que je suppose que s'il y a des épées, vous jouez à des GN de type médiévaux, quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez difficile de trouver une définition pour le GN, mais en fait, sous le mot GN, il y a de nombreux formats extrêmement différents qui vont commencer par la scène de crime, extrêmement simple, un peu à la Cluedo, en passant par la soirée enquête, ce qu'on appelle, nous, les semi-GN, sur des formats assez courts, où généralement les interactions où il n'y a pas d'interaction physique ou entre les joueurs, ou alors les GN sur un format beaucoup plus long où là il y a effectivement des combats, que ce soit avec des épées en mousse pour les GN à tendance plus médiévale, voire avec des nerfs ou des répliques pour les GN plus contemporains voire futuristes. D'accord. Donc comme le jeu de rôle dans le GN, on a un jeu de rôle sur table, donc dans le GN, on peut jouer dans différentes époques, différents univers. On n'est pas obligé de faire que du médiéval fantastique. On peut faire un peu du futuriste, donc avec le nerf, on peut peut-être faire du contemporain ou du plus ancien. On est vraiment différentes époques. Bah, à Strat, on fait régulièrement du Requiem, donc du vampire, c'est du contemporain. Donc y a, là, à ce moment-là, on n'a pas d'interaction physique. Tout est simulé par un système de chifoumi très basique pour remplacer les jets de dés. D'accord. Mais il y a la même variété pour d'univers. Pour nos auditeurs, chaque fois qu'il y a un jet de dés, c'est-à-dire qu'il va y avoir un conflit entre deux joueurs. Deux joueurs ne sont pas d'accord et puis à un moment donné, il va falloir qu'on tranche pour savoir qui emporte. Vu qu'on est en grandeur nature, donc en vrai, en fait, si j'ose dire, vu que les deux joueurs sont vraiment face à face, on ne peut pas se mettre sur la tronche vraiment, entre guillemets, pour savoir qui est-ce qui gagne. Il ne faut pas que ça finisse à l'hosto. Donc l'idée, c'est qu'on va faire un chifoumi et c'est celui qui l'emporte qui gagne, c'est ça l'histoire. Oui, c'est ça, avec un système, si on est plus fort, on gagne les égalités, si on est vraiment beaucoup plus fort, on a le droit de retester. C'est un système assez simple par rapport aux règles de jeu de rôle en général. D'accord. Qui sont un peu plus touchues. Donc, dans le GN, par exemple, pour l'exemple de Vampire Requiem, par rapport à du papier, est-ce que vous avez une fiche de personnage avec des caractéristiques ou non? Vous êtes votre propre caractéristique puisque vous interprétez complètement votre personnage. Alors, dans Requiem, on a quasiment la même fiche qui a été adaptée pour les besoins du jeu, mais sinon, oui, c'est la plupart du temps dans les GN, il y a quand même un système de fiches de personnages qui est beaucoup plus simplifié. On a toujours des compétences, mais il y a beaucoup moins de chiffres en général. Très bêtement, on va pas s'emmerder à déterminer le charisme d'une personne. On va surtout donner des caractéristiques ou des compétences. Sam, Moi, je vais encore revenir sur la question du format. Ouais. Ça va vraiment dépendre du format du GN tel qu'on va le pratiquer. Là, j'avais parlé tout à l'heure un peu. J'avais essayé de donner un ordre entre les formats. Ouais. Et autant dans une scène de crime, généralement, on va pas avoir de fiche de perso. Et généralement, plus le format va s'agrandir en temps ou en longueur ou en complexité, plus les personnages vont avoir à leur disposition une feuille de personnage. D'accord, ok. Donc moi, j'ai une question, toujours pareil, en parallèle par rapport au jeu de rôle papier et donc le grandeur nature, il y a quand même un système de règles. C'est-à-dire que c'est pas non plus chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Non, au départ, quand vous allez faire un jeu, vous avez un système de règles que tout le monde s'approprie et ensuite vous faites votre jeu. Oui, il y a à chaque fois, en général, il y a des règles assez communes, mais la plupart du temps, il y a des règles spécifiques à chaque GN ou à chaque murder, ça varie. On s'y retrouve très vite parce que les gens se recopient mutuellement beaucoup selon le format. C'est vrai que dans les soirées enquêtes, en général, par exemple la soirée enquête Dieu est mort, qui est l'une des plus jouées, qui a été fait un nombre de fois incalculable, les règles sont, il n'y a aucune règle de combat entre les joueurs. Les seules règles qu'il y a, c'est juste savoir avoir des pouvoirs, utiliser ses pouvoirs pour enquêter. C'est tout ce qu'il y a. Donc finalement, si je résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire au niveau du jeu de rôle grandeur nature, on a un jeu de rôle, sauf que les personnages vont être interprétés en vrai. Il y a des costumes, il y a vraiment les épées, même si elles sont en mousse, etc., etc. C'est bien ça. Parce que dans la définition qu'on trouve sur Wikipédia, on trouve quelque chose de très très large. Donc le GN, ça va compter à la fois les murder parties, mais j'ai lu aussi airsoft, paintball, des huis clos, airsoft, paintball. C'est du GN. Tu t'entendais parler de nerf tout à l'heure, Sam. Aloïs. Je vais prendre un exemple. Enfin, c'est pas vraiment un exemple, mais aux Utopiales cette année, on avait un stand de gens qui faisaient de l'airsoft, si je me rappelle bien. Ouais. Qui reconstituait des. Enfin, je sais même plus. Ils faisaient la reconstitution de c'était bataille. C'était pas de la reconstitution de bataille, c'était. Voilà, ils faisaient de l'airsoft scénarisé, en fait. Ouais. Donc c'était mettons les Anglais contre les Allemands, ou je sais pas, mais d'accord. Je leur ai pas trop parlé. Mais voilà. C'est pas un peu étrange de classer le paintball dans les. C'est juste un outil, le paintball. D'accord. Sam. Sur la question de l'airsoft, il y a eu des problématiques en fait, notamment sur le fait que les paintball, la fédération de paintball voulait pas entendre parler d'eux. Ah ouais. Du coup, la fédération française de GN avait entendu dire que de nombreux airsofters pratiquaient, utilisaient des scénarios pour rendre leur partie plus intéressante, pour pas que ça se résume simplement à un échange de coups de feu. Ouais. Et donc, du coup, en approfondissant un peu le sujet, on a découvert que, à leur manière, les gens qui pratiquaient le airsoft, eux aussi, faisaient une forme de GN avec des scénarios. Alors, ils étaient pas forcément toujours dans l'interprétation de leur personnage, mais c'était un premier pas qui finalement rentrait assez bien dans la large idée qu'on peut se faire du GN, qui est de mettre un peu en scénario des choses réelles. Jusqu'où on va dans le réalisme quand on fait du GN ? C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on décrivait un système de jeu dans lequel les conflits se passaient à l'aide du Shifumi, donc pierre, papier, ciseaux. Mais là, par exemple, dans le Airsoft, on est quand même en train de se tirer dessus. Il y a à balles, pas réelles forcément, mais à balles, il y a quand même des balles, des projectiles qui partent. Jusqu'où est-ce qu'on va dans la simulation quand on fait du GN ? Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir ? Les limites, c'est essentiellement ce qui est imposé par la sécurité. Déjà, d'accord. Premièrement, c'est vraiment un truc qui est systématique quand on fait des combats à l'épée. C'est vraiment systématiquement, on cherche des zones sécurisées dans la lumière et des zones dégagées. Ce qui peut parfois nuire à la qualité du jeu parce qu'on voudrait combattre dans la taverne. Mmh. Faire une baston de taverne, c'est cool. Ouais. Mais sauf que c'est pas possible, c'est trop dangereux. On risque trop de gens qui risquent de se casser la gueule, se vautrer sur une chaise, se faire mal. Ouais. Donc on sort de la taverne, on va faire le combat devant. Quoi. Ça, c'est pareil. Dans les ressorts, je ne connais pas, j'ai pas pu tester. Des amis qui en ont fait, les airsoft sont beaucoup plus, comme Sam le disait, sont beaucoup plus portés sur la reconstitution que les paintballers en ont vraiment rien à foutre. Eux, ils s'habillent en. C'est vraiment. Quand les billes sont vraiment avec de la peinture, eux, ils en ont rien à foutre de la scénarisation. Quoi. Ils sont vraiment dans la compétition. Okay. Les airsoft sont beaucoup plus. Et au niveau des règles, je pense que ça doit être assez simple. Ça doit être une touche, un démembrement, comme il peut y avoir. C'est-à-dire que si on prend une bille dans la jambe, on ne peut plus se servir de sa jambe. Ça, c'est un système qui est couramment utilisé dans les jeux de rôle ou dans les grandeurs nature où il y a des armes à feu. C'est-à-dire qu'on se fait tirer une balle dans la jambe, on n'a plus de jambe. Difficile de continuer la partie quand même. Voilà, en général, oui, on ne peut plus combattre jusqu'à ce qu'il y ait un médecin qui s'occupe de nous. Quoi. Sam, tu voulais intervenir ? Je reviens un peu sur la question de la définition. Qu'est-ce que le GN ? On va tourner autour. Voilà, c'est le thème exactement. Enfin, moi, enfin dans l'image que j'en ai, dans le ressenti que j'en ai par rapport au GN, enfin, je pense que des gosses, à partir du moment où ils jouent aux cowboys et aux indiens entre eux dans un square, ils font du GN. Quoi, c'est le début. C'est pour moi, ça vient de là. On s'invente des personnages, on les crée, on les joue. On les invente, on se met un chapeau sur la tête, on prend un bout de bois, ça devient un pistolet. Pour moi, ça commence par là, vraiment. Avec peut-être quand même une différence, c'est qu'il semble que les jeux pour enfants soient, on va dire, désorganisés, qu'il n'y a pas vraiment de règles. À n'importe quel moment, un gamin va pouvoir dire « Ouais, moi, finalement, ton arme, elle me tue pas. » Quand on regarde des enfants qui jouent, ils changent systématiquement les règles à leur avantage. Alors que t'es mort. Non, je suis pas mort. J'ai une cape qui me protège de tes balles. Alors que dans un GN, on a quand même des règles fixes qui fixent la partie ou la physique du GN. Aloïs. Mais dans ces jeux pour enfants, il y a quand même une règle qui les unit, c'est quand même la cohérence. À partir du moment où c'est cohérent pour eux en tant qu'enfants, c'est ils n'ont pas vraiment de problème. D'accord. Ouais, là, moi, je me là, moi dans mes souvenirs de jeux d'enfants, il n'y a pas vraiment de cohérence. C'est-à-dire qu'il suffit juste que quelqu'un dise c'est comme ça. Si les autres joueurs, enfin les autres enfants sont d'accord avec la chose, ça se fait. Sinon, ils se mettent quasiment sur la gueule. Enfin, après, moi je suis d'accord sur le fait que oui, c'est quand même un proto-GN ce qu'on faisait quand on était enfant. C'est-à-dire qu'il y a quand même le fait qu'on sait qu'on n'est pas ressemblant à la réalité parce que dans un GN, nos épées sont en mousse, elles sont pas forcément, elles sont plus ou moins ressemblantes. Des fois, c'est ressemblant, mais il y a des fois, la magie, elle est jamais ressemblante. Et on est toujours dans l'imaginaire, quoi. Donc, comme les enfants sont dans l'imaginaire quand ils sont en train de jouer. Donc je vous repose la question, par quoi avez-vous commencé, messieurs ? Le jeu de rôle ou le GN ? Moi, Sam. Du coup, par le GN. D'un coup, quand on présente les choses comme ça... Mais le GN, c'est du jeu de rôle ? Oui, d'accord, ok. Oui. Non, le jeu de rôle sur table. Excuse-moi, t'as raison de me reprendre, c'est vrai. J'entendais jeu de rôle sur table. Sam. Moi, je dirais que surtout que c'est probablement parce que j'ai joué à ces jeux-là quand j'étais enfant que lorsque j'ai découvert le GN, j'ai été attiré par lui. C'est-à-dire le fait de me souvenir que j'aimais jouer, j'aimais incarner des personnages, me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et vraiment l'interpréter physiquement. D'accord. Et du coup, lorsque j'ai appris que ça existait sous des formes, sous un format qu'on pouvait en jouer avec d'autres, c'était une découverte et c'était tout de suite très attrayant et avec d'autres et on avait enfants. Envie d'y aller quoi. D'accord. Alors justement, j'aimerais bien. Vous connaissez le jeu de rôle sur table, vous en faites, vous le pratiquez, vous faites du GN. Est-ce que vous pourriez rapidement, alors je sais que c'est un peu difficile, un peu délicat, mais faire un espèce de comparatif, c'est-à-dire que dans le jeu de rôle on a moins de ça, mais on a peut-être plus de ça, alors que dans le GN on a plus de ça, mais peut-être moins de ça, etc. Est-ce que moi j'aimerais juste préciser peut-être même Thomas. Qu'est-ce qui vous a fait venir peut-être passer du jeu de rôle sur table au GN? Ouais. Quelles sont les sensations et que vous avez entre les différentes deux? Et puis est-ce que vous avez eu l'impression que, si il y a une autre question, c'est est-ce que vous avez eu l'impression, on va les traiter hein, au fur et à mesure ces questions, on les résume, mais est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il y a une espèce de progression, c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose de plus tranquille à quelque chose de plus immersif ou je sais pas, enfin plus ludique peut-être. Alors la comparaison déjà jeu de rôle et GN, est-ce que si tu là la chose qui m'est venue le plus en tête, c'est quand même dans le GN, on est beaucoup plus sur la synesthésie entre le joueur et le personnage. Ouais. On recherche le lien entre les deux, quoi. Comme on vit ce que vit notre personnage directement, enfin on est directement impliqué physiquement dans les actions. Je pense qu'on le ressent beaucoup plus. Donc tu veux dire que le joueur de GN va avoir tendance à privilégier peut-être l'immersion, quoi, avoir envie d'être dedans. C'est ça. Ce serait dommage de pas être dedans quand on joue, quoi. Ouais, mais c'est marrant parce qu'on peut prendre du plaisir aussi à prendre du recul sur un personnage. Oui, oui. Le plaisir n'est pas forcément dans. Par exemple, Sam, toi, de ton côté. Je suis d'accord avec cette conclusion. J'allais, pour nommer la différence, j'allais donner un exemple simple. La meilleure partie des jeux de rôle possible, d'écrire une scène où on est seul dans une forêt. On peut ressentir la peur de son personnage, l'imaginer, l'envisager. Tu parles sur le jeu de rôle sur table ? Je parle du jeu de rôle sur table. D'accord. Mais par contre, quand on est vraiment tout seul dans une forêt, vraiment en costume, qu'on est dans un contexte où il y a une vraie peur, c'est presque primal. C'est quand même une immersion, c'est un degré d'immersion qui est vraiment différent. Et ça procure presque une adrénaline qui est pour le coup vraiment différente du jeu de rôle. Oui, ça je suis d'accord. C'est vrai que le côté, la vraie peur qu'on peut ressentir, moi j'étais les premiers GN que j'étais fait en vampire, j'ai vraiment flippé devant le prince, quoi. Quand je devais me présenter à lui, j'avais vraiment la même peur que le petit vampire qui débarque dans la cité, qui doit se présenter à un prince qui peut le tuer d'un revers de la main, quoi. Tu y crois ça? Moi j'avais vraiment peur de me craquer, de me faire buter, ouais, j'avais vraiment peur. Thomas, je vais revenir sur ce qu'avait dit Aloïs. Donc là, dans le GN, en fait, on n'est plus en synesthésie. Dans le jeu de rôle, si j'ai bien compris la définition de synesthésie, c'est ressentir les vraies émotions d'un personnage. Alors non. Ah non. Donnez-moi une définition de la synesthésie. Rapidement, ce que c'est que la synesthésie, c'est quand tu fais ressentir à un joueur une sensation proche de celle qu'au même moment tu fais ressentir à un personnage. Typiquement, ton personnage de Cthulhu est face à Nyarlathotep et il a peur de mourir. Tu vas faire ressentir au joueur de la peur en lui disant « lance ton dé, et si tu fais pas 100, t'es mort ». Du coup, le joueur qui s'est attaché à son personnage va faire rouler son dé avec un stress intense, et le fait que le joueur soit en train de ressentir un stress intense est en synesthésie, on va dire, avec le fait que le personnage lui aussi soit en mode stress intense. Voilà, c'est notre peur. Le théoricien, le défenseur de la synesthésie ne soutient jamais que la sensation du joueur et la sensation de son personnage sont strictement identiques. Voilà. Ce sont des sensations qui sont peut-être proches, mais à aucun moment on ne peut dire qu'il y a un vaste communicant. Ce que je disais, c'est que la synesthésie est beaucoup plus proche. Je ne dis pas qu'elle est totale, mais c'est quand même que les sensations que tu ressens en tant que joueur sont proches de celles que ressent ton personnage. Beaucoup plus proches, à mon avis. Voilà, mais justement, les exemples qu'on avait. Si, c'est les mêmes. Ouais, attends, excuse-moi Thomas. Vas-y, finis ce que tu voulais dire, après on passera la parole. Je voulais dire dans les exemples qu'on a donné, quand tu étais seul dans la forêt, Sam, toi tu as eu vraiment peur, donc tu avais vraiment peur, t'as pas ressenti la peur de ton personnage. Toi en tant que joueur, t'avais vraiment peur, quoi, d'être tout seul en costume, qu'il puisse t'arriver des choses. Pareil pour l'exemple quand tu nous as parlé de. Quand tu es devant le prince vampire, où là t'avais vraiment les boules. C'est toi qui avais les boules. J'avais les boules et mon personnage aussi avait les boules. Mais c'est vrai que oui, il y a des fois un désaccord entre. Je sais que moi j'étais parfois. Comme on l'a tous ressenti, le personnage est dégoûté et le joueur est mort de rire parce que en GN, ça arrive aussi. Le gros décalage, là, ça arrive aussi parce que le joueur est mort de rire. Le personnage vient de se faire massacrer, mais c'est tellement beau ce qui vient de lui arriver que, on est mort de rire. D'accord. Le joueur est mort de rire, le personnage est dégoûté. Ça, c'est très intéressant aussi. Sam, tu voulais ajouter quelque chose? Pardon. Non, je disais, je suis d'accord. C'est pas vraiment de la synesthésie selon telle que tu l'as présentée ou définie. C'est des sentiments qui superposent, quoi. Les sentiments qui sont ressentis qui sont ressentis par le joueur sont les sensations qui devraient être ressenties par le personnage dans la situation dans laquelle il est. La grosse différence, moi, que je vois entre le GN et le jeu de rôle sur table, c'est qu'en général, le jeu de rôle sur table, on est quatre. Un peu contre le MJ. que en général dans le côté jeu, alors plus ou moins contre l'univers, on est c'est assez rarement dans le jeu de rôle quand même, faut dire, les avoir à la table qui se met sur la gueule. C'est pas courant, alors que c'est vraiment très courant dans le jeu de rôle d'avoir des intrigues entre les groupes qui se foutent sur la gueule. Il y a un côté social de, parce que on va rarement se planter des coups de couteau dans le dos en social autour d'une table de jeu de rôle juste en se parlant. Ouais. Qu'en jeu de rôle, à Vampire, c'est hyper courant. C'est mécanique, ça, en fait. C'est parce que c'est lié à la mécanique, ouais, complètement. Comme dans le système MJPJ, pour que les choses se réalisent, t'as besoin qu'elles soient validées par le MJ. On est dans une situation de regard, de face à face. Toi, en tant que joueur, t'es obligé de t'adresser au maître de jeu. Alors que ce que tu dis, c'est que dans le GN, comme finalement les organisateurs, ils peuvent être très loin. Tu peux jouer une scène avec un joueur, tandis que lui, il joue une scène avec quelqu'un d'autre, etc., sans forcément passer par l'aval. Tout se réalise immédiatement. On n'a pas besoin que de regarder un MJ qui réalise le truc, quoi. C'est ouais. ça Oui, ça, oui, c'est complètement ça. Donc, ouais, il y a plus de dynamique. Il y a une spontanéité qui est vachement plus importante dans la discussion. On ne peut pas reprendre ces termes parce qu'on vient de faire une négociation avec la faction ennemie et on vient de faire une grosse boulette, on vient de l'insulter sans faire attention. Ça, on ne peut pas revenir sur les termes. Le joueur en face ne va pas accepter que sur une table de jeu de rôle, on l'accepte. En général, ça dépend des MJ, mais c'est plus facile de reprendre ces termes. Par contre, c'est vrai qu'il y a fatalement en GN, il y a la différence par rapport au jeu de rôle, c'est qu'on est fatalement limité par les moyens techniques qu'on a. Ah. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir prendre un vaisseau spatial et aller ailleurs, quoi. On est toujours limité par déjà le simple fait, un truc très bête, hein, genre en jeu de rôle, on va faire 3 allers-retours dans la journée pour avoir des informations à la taverne, on va aller voir un machin et on va aller voir un machin. Ouais. En jeu de rôle, en grandeur nature, prend une journée. Dans on va pas le faire, ça va nous saouler, quoi. Ouais, tu peux y aller. Moi, j'en ai marre d'aller le discuter avec lui. Très bêtement, parce que crapahuter dans la forêt. Sam. C'est sûr que d'une certaine manière, quand même, Gunn vient de présenter les limites du GN, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le jeu de rôle autour d'une table, à travers les descriptions, finalement, l'imaginaire va permettre d'imaginer de nombreuses situations. Contrairement au GN, où tout ce qui est autour de soi, à partir de son costume jusqu'au décor, doit représenter le réel dans lequel se trouve le personnage. Et du coup, ce réel est limité par les moyens de ceux qui organisent le GN, ce qui ne permet pas de tout faire. Et souvent, vous dites pas limité par la réalité ou par vous dites limité par les moyens de ceux qui organisent le GN. Je suis pas sûr que vous puissiez jouer des anges, quels que soient les moyens des gens joués par des gens qui vont organiser le GN, sauf si les moyens sont énormes et que vous pouvez tous avoir des jetpacks et tu veux intervenir. On en revient toujours à la question des sous. Le GN, c'est quand même assez onéreux quand on, enfin, alors, quand on veut vraiment se costumer. Quand c'est du contemporain, je pense que c'est quand même assez simple. Le maître fan, on a tous ses habitudes, mais quand on va arriver sur des choses beaucoup plus techniques, comme du futuriste ou du steampunk, à mon avis typiquement, ça va revenir quand même plus cher. Après, il s'agit pas non plus de se ruiner à chaque fois, hein, mais et que les costumes sont exploitables. Ouais. C'est Thomas. Est-ce que dans le GN, on ne peut pas garder une partie d'imaginaire? C'est-à-dire que dans le GN, moi j'imagine, quand quelqu'un veut se mettre sur une épée, on imagine une épée en mousse, ils vont se taper sur la gueule, tout ça c'est fait. Et pour le coup du vaisseau spatial, est-ce qu'on peut pas dire, vous allez dans telle pièce, c'est le vaisseau spatial? Alors, nous, en jouant avec Requiem, avant on jouait à Vampire la Camarilla, c'est juste qu'on est passé du système à l'autre. Ouais. Et il y a un système américain pour le jouer en GN qui s'appelle, excusez mon anglais, Mind's Eye Theater, le théâtre de l'imaginaire, tel qu'on l'a traduit. Qui invite évidemment largement à imaginer que ce qui n'est pas réalisable par les moyens de décoration soit imaginé. Le problème, c'est que pour nous, c'est presque devenu une blague. C'est-à-dire qu'à un moment, on met un élément de décor et on se dit oui, de toute façon, on va imaginer que c'est ça, c'est le théâtre de l'imaginaire. Mmh. On arrivera à s'y mettre. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, on est dans une telle phase d'immersion, souvent dans le GN, que l'imaginaire, il est très difficile. Enfin, moi, par exemple, j'imagine quand je suis dans un GN Med Fan, des fois, ça arrive que sur le site, il y a une bagnole qui traîne. Mmh. Ah ben, c'est, même si tu sais que ça reste très, très, très difficile de l'occulter, d'imaginer qu'elle n'est pas là. Donc, c'est quand même très important et ça favorise l'immersion, justement. D'accord, ouais. Donc c'est des détails qui comptent. Quand Gunn, tu voulais ajouter quelque chose? Tout à l'heure, tu disais, on est limité par les moyens et pas par la réalité. Moi, je trouve que, Il y a vraiment, si on avait des quantités de thunes illimitées, on pourrait faire des GN complètement débiles. Hein. Honnêtement, je pense vraiment qu'il y a tu des veux dire complètement magnifiques. Ouais, débiles dans le sens oui qu'on a du mal à les concevoir aujourd'hui. Enfin, je trouve que ouais, il y a vraiment. Par exemple, je sais qu'il y avait eu, j'ai entendu parler de GN Shadowrun où ils commençaient à s'amuser à mettre des applications sur leur téléphone. Je sais pas trop ce qu'ils faisaient, mais ils commençaient à mettre des éléments de technologie. Je sais que nous, quand on a fait le GN Battlestar Galactica, il y en avait qui allaient sur pour aller dans le faire comme ils allaient combattre les vaisseaux, bah ils allaient sur un simulateur, sur un PC, sur un jouet, sur le simulateur. Ils étaient dans une pièce à part et ils étaient comme si c'était dans l'espace en train de combattre. Donc, je pense que c'est pas la réalité le problème, c'est les moyens et les temps que les gens peuvent investir. Quoi, c'est... Sam ? Moi-même, moi j'ai vu un GN Starship Trooper où pour représenter la chute du vaisseau et des soldats sur la planète, on avait mis les joueurs dans un camion décoré en vaisseau, on les avait fait rouler sur un vieux chemin de terre de montagne, histoire que ça bouge dans tous les sens, que c'est chaos, etc. Au dernier moment, on leur a ouvert la porte et là, il y avait des costumes d'insectes plutôt crédibles et ils y étaient, quoi. Je veux dire, ils débarquaient, c'était leur vaisseau, ils étaient sur la planète, ça canardait. Donc je pense que quand on se donne les moyens, on n'est pas si limité que ça. Dans le GN, il y a quand même, ça s'est pratiqué depuis longtemps, il y a des trucs, il y a des astuces, il y a des effets spéciaux, il y a quand même beaucoup. Enfin, moi j'ai vu pas mal de trucs qui sont vraiment impressionnants. Les limites sont pas si énormes que ça en réalité. On voit vraiment que ce qui compte quand on vous écoute, c'est vraiment ça, quoi. C'est le fait d'y être. Et que, bon bah du coup si on y met les moyens, c'est sûr qu'on va avoir tout ce qu'il faut pour s'y mettre. Il y a des techniques comme tu le dis, donc il y a du savoir-faire aussi qui est acquis par des associations. Ce coup du camion et tout, faut le savoir, quoi, c'est une super idée. Enfin voilà, je pense s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui font du GN, ils vont se dire oh, putain faut qu'on teste ça, les costumes. Donc ouais, c'est assez intéressant. Et le jeu de rôle, est-ce qu'il a pas des atouts justement sur le GN? On a peut-être pas, ouais, le jeu de rôle papier, parce que moi j'avais la question, parce que quand on vous écoute faire du GN, on va dire mais est-ce que vous continuez à faire des jeux de rôle papier? Ouais, parce que j'ai l'impression que ça, c'est moins immersif. Ils l'ont dit tout à l'heure un petit peu, que le jeu de rôle papier, ça permettait d'être moins limité du point de vue des moyens. Du point de vue des... On peut imaginer tout ce qu'on veut. Dans répondre. Mais... Non, mais voilà, c'était un premier élément de réponse. Puis est-ce qu'il y a pas de manière extrêmement simple, moi, quand je suis avec mes potes et que je m'emmerde un soir, je peux pas me dire, tiens, on va se faire un GN. Ouais. Donc voilà, déjà l'avantage du jeu de rôle, c'est qu'il permet une immédiateté que déjà le GN ne permet pas, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc ça... C'est est-ce un que avantage t'es... très est-ce relatif. Est-ce que tu prends mais... toujours autant de plaisir à jouer au jeu de rôle, malgré que ce soit pas un GN? Oui, c'est ça, que... en fait. Le truc, c'est que là, on a l'impression, à t'écouter, que finalement, c'est décevant. Bah, tu préférerais faire un GN qu'un jeu de rôle bon, pas sur table. Bon, allez, on peut faire que ça, donc je fais un jeu de rôle sur table. Ah. Sam. Je mentirais si je disais ça, parce que la vérité, c'est que je prends énormément de plaisir de manière différente dans le jeu de rôle aussi. Voilà. Mais du coup, je vais y privilégier des choses intéressantes que... permettent pas toujours le GN, etc. Ouais, que ne permettent pas toujours le GN. Donc en fait, les deux formes, Thomas. Donc le jeu de rôle sur table et le GN, en fait, vu que tu as comment dire un aperçu différent au niveau immersion, tu vas faire des choses différentes. Dire que en GN, tu vas pas forcément faire les mêmes scénarios au GN que les scénarios papier. Scénarios papier, tu vas faire des choses différentes histoire d'avoir d'autres sensations. Ouais, c'est ça, complètement. Ça répond à deux choses différentes. Mais le jeu de rôle va permettre de faire des choses dans une certaine mesure beaucoup plus intimistes que le GN. Enfin, moi, je trouve, de par la connaissance qu'on a des joueurs avec qui on joue autour d'une table, de parce que va permettre le rapport un peu plus confiné. Le GN, c'est, dans une certaine mesure, c'est peut-être un petit peu plus guindé aussi, quoi. D'accord. Ouais, bah, en plus, en général, en GN, c'est construit, le scénario est construit pour entre 10 et le plus gros que j'ai vu, ça doit être Mythodea, c'est 3000 joueurs que je sais qu'existe. Voilà, on peut pas construire un scénario individuel pour 3000 personnes ou même pour 100 personnes. C'est déjà rien que ça, la construction du scénario n'est pas du tout la même et en général, c'est assez marrant parce que sur les très gros GN, les intrigues sont extrêmement simples, les intrigues globales sont extrêmement simples parce que faut que tout le monde les comprenne. D'accord. Parce que moi je sais que moi j'ai eu une expérience de soirée enquête. J'avais fait une soirée enquête donc avec des potes et j'étais donc l'organisateur. Donc c'est une soirée enquête du commerce. Une murder party. Une murder party. Une murder party. Il faudra que vous me donniez. Alors il faudra aussi que vous me donniez la différence entre les deux. Alors la question sur la murder. Enfin, je me permets d'en profiter pour passer un petit coup de gueule sur le podcast. Ah dis donc, je voulais en parler. Un petit coup de gueule. Alors le coup de gueule sur le mot murder party qui a été déposé par une entreprise. et qui fait qu'aujourd'hui, en théorie, les associations bénévoles comme nous, qui organisons des murder parties depuis très longtemps, n'ont plus la possibilité d'organiser ce terme pour faire de la communication autour de ce type de jeu. Donc il y a normalement toujours un endroit où on peut participer à une soirée enquête. Ouais, voilà, maintenant on parle de soirée enquête, de murder. Mais bon, voilà. Donc, alors, sur le site de la Fédération GN, il y a un petit passage où on peut signer pour signaler que nous aussi on est contre la déposition de ce nom. Alors, c'est un procès qui a eu lieu en juillet 2007 contre une association Carte Blanche qui a déclenché l'événement. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que une société privée appelée Distorsion a déposé le mot murder party, donc a attaqué en justice la pauvre association Carte Blanche parce qu'elle l'avait utilisé pour décrire une des soirées qu'elle organisait. La petite blague sur ce terme, c'est que j'avais trouvé une bonne dizaine d'associations qui, dans leur statut, avaient déposé ce terme-là bien avant leur déposition. Effectivement, il y a un courrier qui a été envoyé. Donc c'est à l'AFNIL ou je sais plus. C'est l'INPI, c'est pas l'INPI. L'INPI, excuse-moi. C'est à l'INPI que le courrier a été envoyé, qui recense en fait le nombre pléthorique d'utilisations qui ont été faites du terme murder party, effectivement. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Est-ce que vous pensez qu'on a le droit, comme ça, une entreprise privée a le droit de déposer un terme aussi générique que celui de murder party? Non, bande de salauds, de capitalistes de merde. Et pourquoi? Ce terme a été utilisé près d'une centaine d'années. Enfin, c'est comme si aujourd'hui je voulais déposer le terme porte ou, enfin, j'en sais rien. Ça me semble complètement absurde de vouloir utiliser un terme, déposer un terme qui n'a pas été inventé par eux et qui est utilisé depuis des dizaines d'années. Mmh. Enfin, c'est juste pour moi une manœuvre purement commerciale pour essayer de couler de leur concurrence proche. Quoi. Enfin, alors, est-ce que vous savez comment s'est finie cette affaire? Parce que, quand même, c'est un procès qui a commencé en 2007. Aujourd'hui, il devrait peut-être y avoir quand même des nouvelles, non? Moi, à ma connaissance, c'est toujours en stand-by. Attention, micro. C'est toujours en stand-by, ouais. Ils n'ont toujours pas tranché. Après, c'est la justice. J'ai eu récemment des problèmes avec la justice. Hein, je sais que c'est minimum un an et demi pour entre chaque décision, des fois. Donc, surtout que ce n'est pas des trucs urgents comme tout ça. Oui, puis je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Ouais. Je crois que si, moi. grand monde en dehors des génistes et des releases qui peuvent être ulcérés par une telle démarche. Mais la réalité, c'est que ce n'est probablement pas un dossier qui est sur le haut d'une pile, quoi. Alors, juste pour revenir, la définition, la différence entre le GN et la murder party, est-ce qu'il y en a une En général, les murder parties sont plus dans des formats courts, sur une soirée ou sur une... Après, je ne suis pas expert, j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence entre soirée enquête et murder party. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Ouais. C'est juste que soirée enquête, c'était un terme qui avait été utilisé par... comment ça s'appelle? Je crois que c'était Asmodée qui avait fait les boîtes. Les boîtes à l'époque. Murder party, ouais, donc c'est surtout des formats courts, plutôt dans l'intérieur en général. C'est plutôt des espaces confinés où il y a quelque chose à résoudre, un truc précis à résoudre. C'est plus des formats plus petits. En général, après, les GN, c'est plus quelque chose de plus gros et ça peut être que sur une journée. Et ça peut être plus gros. C'est pas forcément. Enfin, pour moi, surtout la murder party, ça se limite à. Il y a un événement principal à résoudre, des trucs autour et c'est un nombre limité de personnes. Après, d'accord, ouais. La distinction est assez floue dans ma tête. Sam, une idée. Il y a un meurtre et puis on doit enquêter pour résoudre l'affaire avec des. En gros, c'est dans ça. Dans une murder party? Ouais. Souvent, c'est le principe. Ouais, après, évidemment, au bout d'un moment, on s'écarte du principe de base parce qu'à un moment, un meurtre, ambiance Agatha Christie ou Cluedo, beaucoup de gens ont fait le tour. Donc, du coup, maintenant, on trouve des murder parties qui ne tournent pas forcément autour d'un meurtre, ouais, mais qui peuvent tourner autour de sujets différents. Mais je pense que Cohen Gunn l'a assez bien résumé. C'est un format court qui tourne autour d'un sujet précis qui concerne tous les personnages. C'est une version des Deep Tinaigre à l'infini. Thomas, tu voulais reparler. Je voulais repartir de l'essai. Grosse parenthèse. En fait, ce que je voulais expliquer, c'est que moi, j'avais fait une soirée enquête ou une murder party où j'étais organisateur. Ouais. Et la soirée s'est très bien passée. Tout le monde s'est bien marré. Mais si je dois faire une différence entre la soirée enquête et un scénar que je peux faire quand je suis MJ, c'est que j'ai l'impression d'être, moi, en tant que meneur, dans la soirée enquête, être passé à côté de la soirée. Parce qu'en fait, je passe mon temps, parce que là, c'était dans l'idée, en tout cas au niveau des règles, c'était qu'à chaque fois qu'un joueur voulait faire une action, devait venir voir le, donc devait venir me voir, me donner des points d'action qu'il gagnait au cours du jeu, me dire voilà, je souhaite faire telle chose, et je lui donnais l'information en fonction de ses recherches. Et c'est vrai que par rapport à une table de jeu de rôle où on a à peu près la même chose, vu que c'est tout le monde autour de la table, moi, en tant que meneur, je participais beaucoup plus activement à la partie que dans une soirée enquête. Donc je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà fait des soirées enquêtes ou des GN, est-ce que vous avez ressenti ce genre de choses par rapport donc au jeu de rôle sur table, ou non, là c'était à moi un cas exceptionnel et que dans le jeu de rôle, les meneurs ont quand même une possibilité d'interagir dans le jeu. Sam. Moi, j'irais même beaucoup plus loin que toi, enfin pour avoir été ce qu'on appelle compteur à Vampire Requiem, c'est-à-dire sur le format GN, semi-GN, et pour avoir été orga sur des GN de 2-3 jours, je dirais même que en tant qu'orga ou compteur, c'est difficile. On voit pas le jeu, on se bat, c'est physique, souvent on prend pas de plaisir. C'est complètement différent du rôle d'un meneur sur une table de jeu de rôle. C'est on est rassé, effectivement, comme tu l'as dit, on voit rien du jeu et c'est normal. Alors il peut arriver en tant que orga ou compteur qu'on arrive à se trouver un petit moment de plaisir parce qu'on va incarner un PNJ pendant une demi-heure, une heure, on va s'accorder la possibilité d'interpréter un personnage, de faire du roleplay. Mais la réalité, le plus souvent, c'est qu'on est en train de gérer ce qui se passe dans le jeu et que cette gestion, c'est pas un plaisir. La plaisir, à la limite, dans le GN, enfin pour moi, il va se trouver autre part. Il va se trouver dans la réussite d'avoir organisé une activité qui aura fédéré et offrir du plaisir à plusieurs personnes. Et du coup, mon plaisir, il va être à la fin quand les joueurs vont venir me voir, me serrer la patte en me disant putain, je me suis marré. Quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Être orga en GN, faut vraiment remercier à chaque fois les orgas parce que ils en chient tout le temps. J'ai fait les mêmes murders en tant que joueur d'abord là, et après la refaire. Après en tant qu'orga, c'est pas pareil du tout. Enfin, ouais, je me suis vraiment fait plaisir sur la jouer et à l'organiser. C'est pénible. Hein, je le ferai pas tous les mois. Enfin, Donc si on compare le jeu de rôle grandeur nature et le jeu de rôle sur table, moi je sais que nous on essaie de considérer que le MJ sur un jeu de rôle sur table est un joueur comme un autre, avec des pouvoirs différents par rapport aux autres joueurs, mais ça reste un joueur. Alors que là, orga dans un GN, c'est pas un joueur. Il a vraiment un autre rôle là, totalement différent. Là, j'ai une question à vous poser là-dessus, parce qu'il y a quelque chose qui me semble très ambigu dans le vocabulaire des GNistes en général. Et c'est cette notion de joueur. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut avoir un personnage non-joueur dans un GN ? Quand on y réfléchit, c'est très bizarre. On dit par exemple, j'ai lu un article dans lequel à un moment donné, le GNiste expliquait, bah, écoutez, c'est bien simple, moi c'est facile, lorsqu'un joueur meurt, je lui donne à jouer un personnage non-joueur. Et je me suis dit, mais un joueur joue un personnage non-joueur ? Je ne comprends pas. Quand même, je te voyais tiquer, puis après Sam. Sam, vas-y. Je t'en tu veux la version langue de bois ou la version non-langue de bois ? La version langue de pute, c'est toujours celle que je préfère. Non, alors je pense qu'il y a déjà, il faut différencier plusieurs choses. Je pense que souvent dans l'inconscient d'un organisateur de GN, un PNJ, ça va être un personnage qu'on n'a pas envie de confier à un joueur parce qu'on a envie de pouvoir le driver pendant le jeu. D'accord. C'est-à-dire, on a envie de pouvoir intervenir sur ses décisions, intervenir sur ses positions. Mmh. Et à ce titre, donc, on va le choisir d'en faire un PNJ pour avoir un contrôle que, de fait, on ne s'autorise pas à avoir sur un joueur. D'accord. Donc, le PNJ, ce serait un personnage dont l'organisateur contrôle la destinée, si j'ose dire. En grande partie. Aloïs. Je pense que plutôt qu'employer le terme PNJ, on pourrait presque arriver à troisième couteau, parce que bon, selon le jeu, on peut avoir des instances au-dessus des joueurs. Ouais. Genre des. Je pense, par exemple, pour Candoria, où tu as des leaders de faction ou des choses comme ça, qui vont être les premiers couteaux et voir les personnages comme des seconds. D'accord. Et le PNJ, finalement, ça va juste être des personnages mineurs, presque qui n'auront pas de nom. Des figurants, on pourrait les appeler, ouais, peut-être. Voilà. On pourrait les appeler des figurants, parce que là, par exemple, le personnage dont tu parlais tout à l'heure, il a quand même une grande destinée, un grand rôle à jouer. Mais c'est l'organisateur qui le contrôle. Je pense que c'est souvent, en réalité, une solution de facilité pour les organisateurs. Enfin, je sais qu'actuellement, on est en train de commencer à débuter la création d'un futur GM. Une solution de facilité, de proposer à des joueurs. Oui, nous, parce qu'à la finale, si on se dit, voilà, on a une intrigue, on veut mettre en place un élément de scénario, mais mais on n'a pas envie de le confier à un joueur parce qu'on a peur que ça rate, on a peur que ça échoue. Donc on va se mettre une solution de sécurité, on va le confier à quelqu'un qu'on a confiance. Mmh. Et nous, par exemple, dans le projet qu'on est en train de se mettre, on s'est posé une limite, on aura probablement des PNJ, mais les PNJ, ce seront que des rôles que finalement un joueur ne pourrait pas interpréter sur deux jours. C'est-à-dire le paysan qui vient pour gueuler 5 minutes parce qu'il n'est pas content, parce que les vaches pissent du sang. Voilà, le but c'est de faire rigoler les joueurs pendant une heure. On ne va pas donner ça à un joueur parce que c'est pour donner de l'ambiance. Mmh. Mais par contre, si c'est un rôle important avec des intrigues clés, etc., pourquoi prendre choisir la solution de facilité de donner ça à un PNJ alors qu'on peut donner cette responsabilité à un joueur? Et c'est souvent un rapport de confiance vis-à-vis du joueur, la question du PNJ, dans mon point de vue. Quand même. Ouais, donc les PNJ, ouais, je suis d'accord avec Sam, c'est vraiment une notion de la liberté. Qu'est-ce qui différencie? C'est le personnage joueur, il a une liberté, tant qu'il respecte son background. J'y pensais. Ouais. Tant qu'il respecte son background, et même les orgas iront rarement voir un PJ parce qu'il ne respecte pas son BG. Enfin, ça peut arriver, mais c'est vraiment. Les PNJ sont en général tout aux ordres de l'orga, quoi. Mmh. Ils obéissent à l'orga, c'est surtout ça la vraie différence. En fait, j'ai l'impression que les PNJ sont dans le secret du scénario. Ouais, ça dépend, mais plupart du temps, oui. Il y a un côté, le joueur qui interprète le PNJ, alors bon, il faudrait lui trouver un autre terme que PNJ, c'est très confusant en fait. Ouais. Mais le joueur qui interprète ce personnage remis par l'organisateur, lui, il est dans la confidence du scénario, il sait ce qui va se passer après et quel rôle il doit tenir dans cette mascarade. Aloïs, je te voyais, tu n'avais pas l'air d'accord avec ces échos. Non, c'est juste pour revenir sur ce que disait Sam par rapport au fait de confier ou non à un joueur une responsabilité. Par rapport à un élément clé d'un scénario, à mon avis, ça peut permettre aussi de la créativité et créer des intrigues supplémentaires auxquelles l'orga n'aurait pas forcément pensé. Et ça, je trouve ça intéressant, ça crée des possibilités. Dans le fait de confier ces intrigues aux joueurs. Ouais. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Et j'irai même plus loin parce que le mot PNJ te dérange, mais je vais encore plus te terrifier. Car sache que parmi nous, certains utilisent le terme de semi-PNJ. Alors là, attention, qu'est-ce que c'est qu'un semi-PNJ? Alors, un semi-PNJ, c'est quelqu'un qui est à moitié dans la confidence du compte et à moitié pas dans la confidence de l'organisation. D'accord. C'est-à-dire, c'est une certaine partie de ce qui va se dérouler au cours de la soirée, mais on va lui imposer des choix sur certains éléments précis du scénario et sur d'autres, il sera complètement libre de les réaliser. Ça, c'est là encore, c'est une sorte de solution de facilité qu'on s'accorde souvent. Mais ça, c'est vraiment un héritage du jeu de rôle, parce que là, on voit complètement l'héritage du jeu de rôle. Il n'y a pas que du jeu de rôle qui vient dans le GN. Hein. Je suis d'accord que les murder parties du début du siècle sont complètement liées. Mais c'est vrai que là, c'est complètement le fait que c'était les PNJ. Bah, c'était le tavernier que va faire la voix débile par le MJ. Bah, voilà, c'est un PNJ. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce terme-là qui reste. Je sais que sur Candoria, ils ont décidé de renommer les PNJ personnages joueurs animateurs. Très bien, c'est intéressant comme terme. Moi, j'aurais envie de dire personnage non libre, mais bon, personnage non libre. Ça, je trouverais ça beaucoup plus. C'est un vrai débat, hein. On pourrait faire un peu question tenter sur ce thème. On peut, oui. Ou personnage à liberté restreinte. Enfin, voilà, on peut dériver à l'infini, mais c'est un joueur qui va servir, c'est un interprète qui va servir à l'organisateur de marionnettes, si j'ose dire. Quoi. Ouais, complètement, ouais. C'est complètement ça. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors moi, j'ai changé un peu de thème. Quel est l'espace de créativité d'un joueur dans une partie de jeu de rôle GN? Ah, attends, c'est exactement le même thème, je suis pas d'accord. Donc très, ça, c'est très, bon. Très bonne question, Thomas. Une question très. Parce que moi, je sais qu'en jeu de rôle, nous, on essaye de faire en sorte que les joueurs aient un espace de créativité énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le MJ qui est là pour faire de la création, le joueur est là. Donc en GN, vu que vous avez un scénario, vous mettez des PNJ gérés par des animateurs, quel est l'espace de création pour ces joueurs? Les vrais joueurs, les gens qui sont là pour jouer. Bah, je pense que ouais. Honnêtement, c'est vrai que l'espace de créativité, je trouve qu'il est un peu plus restreint, mais c'est pas pareil en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que la plupart des GN, on arrive, on a un background. Déjà, on n'a pas choisi on choisit globalement notre perso selon ça dépend des méthodes d'orga, mais on choisit globalement notre perso et dans la plupart du temps, dans les GN organisés sur 3 jours, on a un background et on a des objectifs. Déjà, on a une liberté qui est limitée par rapport à sur table où c'est vrai que ouais, on va pouvoir s'amuser à aller construire son château quand on est dans un univers médiéval fan. Voilà, c'est un espace de liberté, mais c'est pas pareil. Sam. Là encore, ça va dépendre du format. Par exemple, nous, on parle beaucoup depuis le début de ce podcast de nous des parties de Requiem qu'on fait en semi-GN, c'est-à-dire sans interaction physique. Là, les gens créent leur perso, ont une vraie liberté parce qu'ils incarnent des personnages à travers un scénario, ils s'y intéressent, ils jouent leurs propres objectifs ou pas. C'est un format, par exemple, où je pense qu'on a un maximum de liberté par rapport à l'interprétation qu'on veut faire de son personnage. Et parce que les personnages ne sont pas directement intégrés dans les intrigues. Dans des GN sur plus grand format, souvent les GN qu'on voit sur 3 ou 4 jours, les scénarios sont écrits et on donne une trame au joueur qui va s'inscrire où il va indiquer le type de personnage qu'il veut jouer. Mais après, la réalité, c'est que ce sont les organisateurs qui écrivent le personnage, qui écrivent son background. Et moi, dans les GN dans lesquels j'aime jouer, je sais que j'aime organiser, je sais que j'attends que le joueur respecte le background et le personnage que je lui ai livré, parce qu'a priori, ce personnage est celui qu'il a demandé à jouer. Et tout l'équilibre du scénario repose en grande partie sur le fait qu'il s'intéresse aux problématiques qui sont liées à son personnage. Si à un moment on met une problématique de Disnogood, à un personnage devenir calife à la place du calife, et puis que le joueur, en arrivant sur le GN, il décide de complètement s'en désintéresser et il joue pas ce rôle qu'on a prévu pour lui pendant le GN, à un moment va tout avoir un équilibre lié à la globalité du scénario du GN, fondamentalement, qui va être potentiellement remis en cause. D'accord. Ouais. Et donc, en ça... C'est assez intéressant. L'organisateur attend que le joueur joue son rôle. C'est-à-dire, quelque part, dans tous les sens du terme. On se rapproche presque, moi, si je fais toujours une analogie par rapport au jeu de rôle sur table, avec les scénarios, dirigistes, on attend que les joueurs fassent tel type d'action pour qu'il y ait des événements. En fait, quand il réfléchit bien, après je passe la parole à Loïc, c'est promis. Quand il réfléchit bien, c'est normal, parce qu'en fait, vu que le but, c'est d'y être vraiment, il faut de la crédibilité, il faut des joueurs qui savent jouer à un jeu d'acteur, à qui tu fournis un rôle et qui savent l'interpréter. Qui sachent l'interpréter. Non, mais justement, dans la réponse que j'ai eue, c'est qu'on peut avoir des GN, ça dépend du format des GN, où le joueur est libre, et d'autres est plutôt dirigé par l'organisateur pour que tout se passe bien. Mais c'est le joueur qui choisit le personnage qui veut jouer. Voilà, ça, on est d'accord. Aloïs, enfin. Donc, j'appuie totalement Sam sur le fait que ça dépendra du format auquel on veut jouer. Je vais conserver aussi l'exemple de Requiem, et la phrase, enfin, ce que disait Thomas, c'était surtout par rapport aux Forgiens. À mon avis, par rapport à l'espace. Pas forcément forgé, mon esprit du jeu de rôle maintenant. Nous, en tant que créateurs, on essaie de laisser un maximum de liberté créatrice aux joueurs. Dans le GN, tu vas pas pouvoir faire intervenir tu vas pas pouvoir créer un PNJ comme ça juste parce qu'il va être là pour téléporter ta scène. Oui, mais tu peux avoir des libertés, dire la création, comme disait dans Requiem, dire que vu que t'es pas directement dans l'intrigue, tu peux très bien raconter une histoire de ton personnage, voilà, moi j'ai créé, création, c'est mon personnage a vécu des choses. Tu vas pouvoir parler d'un PNJ. Oui, qui n'est pas présent physiquement, mais qui va rester dans l'histoire. Oui. Sam, tu voulais réagir. Après, j'y mettrais une mesure dans ce que tu as dit, Thomas, c'est ça ? Oui. Tout à fait. Si je ne me trompe pas. C'est que je pense que dans le jeu de rôle aussi, quel que soit le type de format qu'on fasse, classique, forgien, enfin, je découvre un peu, même si j'ai écouté vos podcasts, je pense qu'à un moment, dans un jeu de rôle, quand un joueur crée, sur une partie, quand un joueur crée un perso, à un moment, il en parle toujours un peu à son maître du jeu, en lui disant, voilà, moi, j'envisage mon personnage comme ça, je vais jouer un paladin avec un code moral. À un moment, après, quand t'es maître du jeu, t'es toujours déçu s'il joue la fripouille qui commence à pouiller les premiers types qu'il a coupé sur un chemin. Et je pense qu'il y a une sorte d'engagement à dire, c'est comparable à ça. T'as dit que t'allais jouer, créer un perso, tu nous l'as présenté plus ou moins avec ses traits de caractère. J'attends, toi, que le minimum soit que tu l'interprètes de la manière dont tu as dit que tu as présenté ton personnage au début. Quand tu crées un personnage pour un GN de plus grande taille, ça va être plus ou moins précis suivant les formats, mais tu vas vraiment définir sa moralité, finalement les éléments importants par rapport au roleplay. Donc une fois que ça c'est défini, que le joueur reçoit son perso, c'est un peu le même contrat. Du coup, on attend que le mec joue son personnage tel qu'il a dit qu'il voulait le jouer. Ah, mais attention, quand je parlais de ça, je ne dis pas d'effet négatif en disant que voilà, c'est dirigiste, c'est nul. Hein. Non, c'est-à-dire que là, on se retrouve dans le GN comme sur le JDR sur table. Sur le JDR sur table, on a des scénarios dirigistes, on a des scénarios bac à sable, on laisse la liberté aux joueurs. On se retrouve avec des problématiques similaires. On se retrouve avec les mêmes problématiques. C'est ça que tu veux dire. Mais je... Ah, je crois que Romaric a un petit problème. Je tique un peu là-dessus, mais bon, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, c'est ça... On va changer de sujet, parce qu'on a parlé déjà d'organisateurs, de PNJ et tout ça. On aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours des prochaines questions. Moi, une autre question que je voudrais vous poser quand même, c'est par rapport à l'économie de cette activité. Comment est-ce qu'elle survit en France ? Est-ce qu'elle est chère, coûteuse ? Aloïs en a un petit peu parlé tout à l'heure, en organisation, en préparation. Est-ce qu'on peut vivre du GN, Coem? C'est une question qui vous laisse froid. Alors, qu'est-ce qu'on t'entends vivre par du GN? C'est avoir des organisateurs qui sont salariés? Ouais, voilà, par exemple. À vous écouter, on a l'impression que c'est une économie qui n'existe pas. Alors, l'essentiel, j'ai envie de dire, 99% du GN, c'est fait par des bénévoles. Hein. Il y a, pour moi, à ma connaissance, il y a quelques trucs de murder party qui sont faits pour des sociétés, comme. Et oui, voilà, c'est ça. Distorsion, c'est pour qui. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est pas du murder comme on ferait nous, quoi. C'est un truc c'est un format destiné aux entreprises. Moi, de ce que j'avais été voir leur site. J'ai peut-être pas été assez clair. Ça s'achète un GN ou pas? Est-ce qu'on peut acheter des GN dans le commerce? Est-ce qu'il y a un commerce du GN? Et si oui, comment il se présente? Alors, il y a un commerce du matériel de GN. Ça, il y a, je sais pas, c'est surtout de ce que j'en connais, il y a quelques boutiques qui font ça à côté. Mmh. Par exemple, à Nantes, il y a Bayac qui s'est un peu spécialisé là-dedans. Répète le nom. On va pas trop faire de pub. D'accord. Après, je sais que l'essentiel du matériel, en général, il vient d'Allemagne parce que là-bas, les GN sont. Alors j'ai vu des catalogues allemands de GN. Les catalogues allemands sont assez. Ouais, absolument incroyable. Il y a une économie qui est beaucoup plus développée. Il y a quelques. D'accord. Il y a quelques gens qui vivent autour de la création de l'objet autour. Des gens qui vivent de l'organisation de GN, ça va être de la murder pour les sociétés. Il y a un début en France avec Andoria où c'est une société qui l'organise, mais pour l'instant, de ce que j'en sais, ils n'ont pas de salariés. D'accord, ok. Sam, la question a l'air de te À moi, M. Kourous. De te dégonfler. Ah, M. Kourous. Ah, vas-y, explique. Non, enfin, moi, M. Kourous, parce que de l'expérience fait des gens que j'ai pu côtoyer, voilà, tous les gens qui essayent de faire du GN une marchandise, c'est des gens qui n'aiment pas le GN pour moi. D'accord. Voilà, dans les gens que j'ai rencontrés, enfin, voilà, c'est-à-dire qu'ils vont. Ça, c'est le problème, c'est qu'on a envie de donner tout ce qu'on aime, mais il y a la réalité, quoi. Ouais, mais il y a la réalité, moi, je suis d'accord. Et Romaric est bien placé pour en parler. Ouais. Si je pouvais vivre du GN en vendant du GN, je le ferais. Moi, ce qui me dérange juste, c'est que les quelques personnes qui essayent de vivre et vendre du GN que je côtoie, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de respect pour cette activité, et surtout pour qui n'ont pas de respect pour ceux qui la font vivre. Parce que par contre, en France, je parlerai pas de l'étranger parce que je connais mal, mais en France, c'est les associations, c'est les petites mains, c'est des bénévoles qui font vivre cette activité. Et les personnes qui aujourd'hui en font du commerce, s'appuient sur cette manne de gens motivés qui n'attendent rien d'autre que la reconnaissance et pas du tout de l'argent. Aloïs, la plupart de l'argent qui est récupéré par les frais de participation au GN, de toute façon, il sert pour le matériel, à mon avis. Enfin, c'est quelque chose de purement. Ils veulent le but d'une association qui va faire un GN, c'est pas de se faire du fric. D'accord. Ouais. Ouais, je dirais même, j'ai pas organisé un GN bénéficiaire. La plupart du temps, les organes, on en était un peu de leur poche à la fin. Ouais. Ça arrive quasiment toujours. Est-ce que ce serait pas important que le GN devienne quelque chose qui puisse éventuellement devenir une industrie, ou au contraire, est-ce que ça te fait peur, Sam? Toi, je vois. En fait, je pense. Alors, tu veux que je te dise ce que je pense? Je pense que tu as une vision de la monnaie qui est un petit peu la même que la mienne, qui est qu'à partir du moment où on met du fric dans l'engrenage de quelque chose, les motivations deviennent viciées parce que on fait ça pour l'argent et on fait plus ça pour le plaisir. Mais est-ce que ça tient debout, ça, finalement? Enfin, moi je me retrouve dans le cas, j'ai créé un jeu de rôle et je me suis retrouvé dans le cas où, quand je le donnais gratuitement, je perdais de l'argent, je ne pouvais pas le continuer. Et du jour au lendemain, je suis passé payant. Tout d'abord, j'ai obtenu une reconnaissance de la part des organismes trollistes. C'est-à-dire que d'un coup, le GROG m'a considéré comme un professionnel. D'un coup, sur les forums, on a dit, tiens, voilà un jeu de rôle sérieux parce qu'il est payant. Etc. Et tu vois, d'un coup, en fait, mon jeu s'est mis à marcher parce qu'il est passé au payant. Tu y crois, ça? Et pourtant, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, tu vois, parfois, une activité peut devenir payante et du coup, ça en augmente la qualité. Enfin, ça, ou en tout cas, ça en augmente la perception qu'on a de sa qualité. C'est ça que je veux dire. Non, ça... On parlait tout à l'heure des différences, du coup, entre le GN et le jeu de rôle. Et je pense que là, on rentre fondamentalement dans les différences entre le GN et le jeu de rôle. C'est-à-dire que le GNiste, au sens large du terme, il a une conception est quasiment égale à zéro de ce que ça peut être le GN commercial. Le rôliste, c'est pareil, hein. Moi, je pense. Oui, mais le rôliste, lui, il a l'habitude d'aller dans une boutique, acheter les bouquins, enfin, beaucoup. Là où. D'accord. Je veux dire, c'est le jeu de rôle, c'est quand même un loisir qui t'a amené souvent à aller dans des, qui t'a amené à aller dans des boutiques, acheter des dés, etc. Moi, quand j'ai commencé. Alors justement, c'est ça dont je voulais parler. C'est très différent de. Il n'y a pas de point de comparaison. De c'est ça, en fait. Le GN n'existe pas sur le marché, en fait. Il n'y a pas de marché professionnel. Mais déjà, là, moi, j'étais à Candoria en tant que PNJ ou maintenant PJA. Bah, je me rends compte que, déjà, il y a un gros problème. Le simple fait de passer au statut d'entreprise. Déjà que le GN est une activité coûteuse, en général, pour 3-4 jours, on est à, dans l'ordre entre 70€ 100 ou 150, ça dépend, par personne. Sur Candoria, il n'y avait ni la nourriture, ni rien, parce qu'en fait, il y a des trucs très bêtes qui arrivent, c'est, bon, bah, on ne peut pas payer la nourriture, parce que déjà, on a 20% de nos revenus qui partent dans la TVA, que n'existe pas dans les associations, donc déjà, paf, d'un coup, on a 20% de nos revenus qui sont greffés. Voilà, c'est... Attention à ton micro. Oui, et déjà rien que ça, ça, on se rend compte que déjà ça va être dur de faire vivre des gens avec ça, parce qu'après il faut les faire vivre toute l'année, des gens qui travaillent là-dessus, et il y a tout un tas de contraintes qui sont liées au fait que ce soit une entreprise, bah, par exemple le simple fait d'avoir une taxe sur l'entreprise, on a un tiers des bénéfices qui sont, voilà, la sécurité qui devient payante, qui devient affreusement coûteuse. D'accord. J'ai regardé le bilan de Candoria, qui était un grand. Je veux pas faire de la pub pour ni contre. Donc c'est une pour. C'est finalement. On se rend compte qu'il y a des problèmes liés à la fait que ce soit une entreprise. Il faut qu'il atteigne une masse critique qui est énorme pour que ce soit viable. Sam. Surtout en termes de budget, je sais pas comment ils font pour tirer. Pour tirer sur le budget global du GN, pour se dégager un salaire et quelque chose qui on va faire une activité rémunératrice. Le fantasme The Game, par exemple. Du film The Game, c'est-à-dire cette idée qu'on va organiser des GN pour des personnes particulières, genre pour Nicolas Sarkozy, demain on va lui faire un GN, ça va être son élection et c'est Marine Le Pen qui va la gagner contre lui. Voilà, tiens, super GN ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, on peut imaginer ce fantasme de, en gros, le GN massif dans lequel on va faire participer des groupes de personnes et des entreprises qui vont payer pour ça ou ce genre de choses. Ça, non, ça, pas du tout. Vous y croyez pas ? Je vois vos regards. En fait, alors je connais pas le film dont tu parles aussi. D'accord, ok. Déjà, ça m'aide pas. D'accord. Mais excusez-moi. Donc, je pensais que c'était un film qui était connu de tous les GNistes, vraisemblablement non. C'est un film dans lequel en fait le personnage principal va être victime d'une association, enfin pas d'une association, mais d'une entreprise dont le but est de lui faire croire qu'il a perdu sa vie, en gros. Donc on va lui vider ses comptes en banque, tout ça c'est fictif. On va lui vider ses comptes en banque, on va tuer sa femme, on va capturer ses mômes, on va lui faire perdre sa vie de façon fictive, et il va y avoir tout un tas d'acteurs qui vont être là pour lui faire croire que la fiction qu'on est en train de lui raconter est réelle. Mais à aucun moment on lui dit qu'il est dans un jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc et c'est un film généralement que les GNistes connaissent. Bah, vous aurez l'occasion de le voir. Et donc voilà, c'est l'idée d'une entreprise qui fonctionne comme ça, quoi. Si je devais imaginer moi une entreprise qui ferait du GN en France, ce serait à mon avis des gens qui se baladeraient sur toute la France pour faire le même GN à plusieurs endroits différents, ce qui permettrait de rentabiliser les coûts de matériel, de pas avoir un temps de préparation débile à chaque fois à refaire. Voilà, ça pourrait être un format viable pour moi. Et là, on pourrait se dire, ça pourrait devenir une marque. Tu vois, genre, ouais, est-ce que t'as fait tel GN ? Parce que les trois quarts du temps, un GN qui est organisé, c'est un one shot. On le refera plus jamais. Sam. Je pense qu'il y a des associations ou des entreprises qui, en France ou à l'étranger, le font. Moi, je les connais pas. J'ai pas forcément énormément étudié le sujet. Ouais. Je dois dire que la question de les sous et le GN, c'est une question qui m'intéresse pas beaucoup. Mais en fait, si, c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est une activité. Mais si, c'est super intéressant. Ça veut dire que c'est une activité qui échappe totalement au PIB d'un État. Aujourd'hui, on nous dit oui, machin, il y a pas assez de on fait pas assez de croissance, machin truc. Mais regardez-vous. Vous êtes en train de faire des activités, de créer des activités et de la richesse qui n'est pas comptabilisée. C'est ça qui est énorme. C'est que vous êtes en train de pratiquer d'activités qui reposent sur l'imaginaire, l'interprétation, les costumes, la crédibilité. Vous inventez des règles, des choses très complexes, mais l'économie en a rien à foutre de vous. Et c'est pas passionnant. Le GN serait une activité de gauche ? Point d'interrogation. Et c'est ça qui est. Enfin... Alors, il y a quand même déjà l'économie qui est tout ce qui est autour du costume, tout ce qui est autour de les matériaux de construction. Même si on fabrique ces costumes nous-mêmes, déjà, si j'ai dans les magasins de tissus, déjà, on est obligé d'acheter son tissu. Ça, déjà, rien que ça, ça compte. Les lieux qu'on loue, Les activités, c'est déjà, eux, pour eux, ça compte. Votre activité non lucrative fait quand même vivre... indirectement, en fait, une partie de certaines gens. On fait vivre des gens grâce à notre activité. Voilà, c'est ça. Donc, je vais prendre par exemple des types qui vendent des châtelains qui ont des châteaux vraiment super classe et qui vont le louer 3, 4, 5 fois l'été pour des organisations de GN. Et c'est des sommes, enfin on parle de sommes assez... assez importante. Mmh. Pareil, quand on parle de costume, enfin quand je vois ce qu'on va claquer dans un bricot dépôt ou dans un tissu, enfin ou dans d'autres, dans des trucs qui vendent des tissus, enfin un budget de GN, c'est quelque chose d'important. Donc on va faire vivre tout plein d'activités autour de nous. Mmh. Mais c'est clair que les organisateurs, eux, ce qu'ils produisent, ça n'a pas de valeur marchande. À ce titre, ça mériterait d'être subventionné. De ce que je sais, c'est quasiment inexistant à ce niveau-là. Je pensais à autre chose aussi, un truc peut-être plus crédible que The Game. Mais tu vois, par exemple, payer une asso de GN pour rémunérer une association, non, du coup, une entreprise de GNistes pour faire des reconstitutions historiques, par exemple. Il y avait une association qui s'occupait de faire des marches. Romaines, c'est-à-dire que c'était des Romains, on les habillait en sandales avec le pilum, etc. Et les historiens les engageaient et les payaient pour, je sais même pas s'ils les payaient d'ailleurs, je crois qu'ils faisaient ça bénévolement pour leur plaisir, pour faire des longues marches dans la forêt pour éprouver la résistance des matériaux romains. Ça, c'est des trucs comme ça, tu vois. Ah oui, la reconstitution de l'archéologie. Ouais, de l'archéologie reconstitutive. Reconstitutive, c'est le terme. Je sais quoi, pour le monde de la reconstitution, il y a beaucoup plus. Les compagnies qui font ça sont des associations, mais qui tirent un bénéfice de ça en général. D'accord, ils sont payés quand ils vont animer la foire de Plecadoc. Enfin, en général, c'est leur loisir et ils se font financer par parce que ça met de l'animation dans une ville. Si une ville veut faire une foire médiévale pour eux c'est un intérêt, ils ont un intérêt à faire venir l'assaut, donc mais dans le DMIJN, c'est comme on a envie d'être dans notre coin et de pas avoir de perturbations extérieures, c'est assez dur d'en faire profiter à une commune. Sam, non, tu veux aller. Non, excuse-moi. Aloïs. Je pense récemment à l'exemple d'Ancenisium, donc qui a été une fête médiévale à Ancenis. Ouais. Bon, ça a principalement été ça n'a même été que des bénévoles qui étaient costumés comme au Moyen-Âge finalement. Bon, on rentrera pas dans les détails. Pour animer, faire la taverne. Moi, on m'a proposé de faire le serveur à la taverne. Pour faire les marchands, etc. Pour vraiment reconstruire. Une partie d'Ancenis telle qu'elle était au Moyen-Âge. Ça, c'est je ne sais pas si c'était payé, mais... Sam. Si je pensais à quelque chose, en fait, je pense qu'il y a une autre raison qui explique pourquoi souvent les gens n'essayent pas de faire de l'argent avec le GN. C'est que, mine de rien, si ça commençait à être rémunérateur, si on crée une entreprise, comme Gunn l'a expliqué avec l'exemple du Condoria, c'est qu'on serait obligé de se plier à une législation. Qui est différente de celle à laquelle on se plie en organisant un GN en mode associatif, en mode rémunérateur. Et donc du coup on a des possibilités qui s'ouvrent pour nos budgets qu'on serait obligé d'utiliser de manière différente si on en faisait une activité lucrative. Et mine de rien, ça c'est assez important de se dire que du coup on a une certaine liberté dans ce qu'on peut pas faire parce que c'est dans un cadre plus particulier. Et ce cadre, que tu disais à propos des normes de sécurité d'ailleurs tout à l'heure quand même. Et ça c'est un cadre qu'on n'aurait pas si on en faisait une entreprise très... Et donc, du coup, tu penses que c'est une activité qui ne serait pas lucrative, finalement, si elle le devenait ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, si on essayait d'en faire une activité lucrative, on serait rattrapé par de telles normes et de telles contraintes financières que, finalement, ce serait impossible de... Aloïs dit que le lucratif, ça tuerait Ça le tuerait, parce que, d'une part, certes, ça pourrait créer du bénéfice. Enfin, à mon avis, il faudrait déjà y aller pour ça. Il y a tout ce qu'il va avoir à payer, qui va augmenter le prix à payer pour les GNistes. Et les géanistes, ils vont se désintéresser de l'activité si elle doit devenir aussi onéreuse. Thomas, tu voulais partir. Ouais, ce que je voulais entendre dire, c'est que je pense que si on commence à parler de vouloir faire de l'argent avec le GN, peut-être qu'on perdrait la magie de ce que vous découvrez. On penserait forcément rentabilité. Ben voilà, on fait ça, il faut que ça nous rapporte tant. On perdrait en fait toute la magie du jeu, quoi. Ouais. Peut-être, sûrement, mais ça aurait peut-être aussi l'intérêt de la faire vivre au niveau médiatique de façon plus. C'est pas forcément ce que vous demandez, dit Aloïs. Alors non, bref, je referme cette parenthèse. Hein, et c'est une question qu'on se pose aussi dans le jeu de rôle. Il y a de nombreuses fois où la Fédération française de jeux de rôle ou même des acteurs du monde du jeu de rôle disent: il nous faut une industrie. on rêve du jeu vidéo. Mais oui, mais si, c'est l'argument qu'utilisent les gens qui ont fait Condoria. Ils disent pour eux c'est important parce que des gros GN comme Mitodea, des gros GN comme Bicoline au Québec ont des employés. Il faut qu'on ait quelque chose de pérenne, qui est une entreprise qui dure sur. Mais pour moi, c'est clair. Après, en France, c'est pas le même format de GN. Genre, moi, je trouve que c'est plus, on est plus sur des GM intrigues, moins des grands GN de grosse bourre. Sam. Bah, coup de gueule 2. Du coup, est-ce que Mitodea c'est un GN? Parce que c'est 3000 personnes, il y a à peine du scénario. Est-ce que c'est finalement pas plus une sorte de manifestation médiévale, fantastique, narrative, où les gens font un peu ce qu'ils veulent dans leur coin? C'est un champ de bataille, quoi, avec des gens costumés. Non, c'est même pas un champ de bataille. Et Dieu sait que moi, à titre personnel, je ne porte pas forcément dans mon cœur les champs de bataille non plus. Mais je pense qu'un champ de bataille a quand même plus de mérite. Parce qu'il y a un effort qui est fait dans un certain sens. Enfin, pour moi, là, avec le Mitodea, on atteint la limite entre le GN et la foire médiévale, quoi. D'accord. Mais ouais, enfin, faut bien se rendre compte que dans les GN qui commencent à devenir professionnels, il n'y a pas du tout de background. La plupart dans les trois quarts des GN qu'on fait, c'est on a forcément un background et voilà, on a une histoire et on a en général des objectifs. Ça dépend du format. Sur Requiem, c'est nous qui le construisons, nos objectifs, mais on doit en avoir. On a une fiche de perso toujours que là, il les valide même pas, les orgas, ils valident pas les 3000 fiches de perso. En fait, on peut pas avoir un. Pour moi, c'est clair et net que c'est pas le même format, c'est plus tout à fait la même chose si on fait du GN comme une entreprise. Que quand on fait une association, c'est pas la même viabilité. Enfin, Sam. Pour moi, on franchit dans un GN comme le Mitodea une limite qui, à mon sens, est infranchissable. L'organisateur n'en a rien à foutre du personnage que tu joues. D'accord. Ouais. Voilà, il s'en fout de ton background, il s'en fout de comment tu veux interpréter ton personnage. De toute façon, c'est pas sa problématique. Donc, pour moi, là, on est plus dans le jeu de rôle à partir du moment C'est intéressant. Alors, on revient sur la définition d'une manière assez intéressante. Et le Troll Ball, par exemple. Le Troll Ball, est-ce que c'est une manifestation de GNI? Est-ce que c'est du GN? C'est un sport paragénistique. D'accord. Ouais, on peut le qualifier comme ça. J'en ai jamais fait personnellement, mais de ce que j'en sais, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est un sport paragénistique. C'est-à-dire qu'ils ont, ils font un sport avant tout, et autour, ils mettent des trucs génistiques. C'est-à-dire, on va aller corrompre l'arbitre, on va aller s'acheter machin. Il y a toutes les intrigues qui sont. Il y a toutes les intrigues qui sont propres au GN, mais c'est vrai que ouais, ça reste surtout un sport avant tout. Quoi. Sam. Non, je pense que c'est un truc qui est apparu au milieu de GN au début. C'est-à-dire que pendant un GN grandeur nature, il y avait des histoires où du coup il y avait des matchs de Troll Ball ou de systèmes un peu comme ça, inspirés du Blood Bowl, et qu'à un moment il y a des assos qui sont faits pendant les GN qu'on fait du Troll Ball, on s'amuse quand même beaucoup. Donc est-ce que de temps en temps on pourrait pas se retrouver du week-end pour faire juste ça? C'est pour ça que je dis que finalement c'est parallèle, c'est de l'amusement, c'est du plaisir, c'est un peu à côté. Alors moi j'aimerais vous poser une dernière question pour clôturer ce podcast, une question quand même assez qui rejoint celle qu'on a jusqu'à maintenant traitée. Le 18 décembre 2008, on a la fédération de GN qui est reconnue comme organisme d'intérêt général, et donc à chaque fois qu'on lui fait des dons, c'est on peut le faire déduire de nos impôts. C'est probablement encore un truc qui va dégager bientôt, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est d'intérêt général. Si on touche à... Alors là, qu'est-ce que ça veut dire que le GN est d'intérêt général, messieurs? J'attends vos réponses. Pourquoi est-ce que le GN est d'intérêt général? C'est une très bonne question. J'étais même pas au courant que la FédGN avait été reconnue d'intérêt général. Donc, c'est ce parce qu'en fait, la FédGN, pour moi, c'est avant tout un annuaire et c'est un moyen d'avoir des assurances facilement pour une association. C'est peut-être pour ça qu'elle est tout simplement d'intérêt général. Voilà, parce que en fait, elle facilite l'organisation d'activités qui génèrent une économie autour. Qui en elle-même ne génère pas d'économie, mais autour, ça facilite l'organisation parce que c'est vrai que gérer une assurance, c'est chiant quand on est orga. On doit déjà trouver un lieu, on a déjà tout à payer le lieu. D'accord. Je pense qu'autour, pour moi, c'est ça le principal intérêt, c'est qu'on va générer tout autour une économie. D'accord. Je pense qu'ils l'ont justifié comme ça. Qu'est-ce qui fait du GN une activité d'intérêt général, puisque depuis le 18 décembre 2008, la Fédération française de GN est considérée comme telle? Aloïs, une idée? L'intérêt général. C'est peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, que ça fait vivre des gens en dehors des associations. Voilà, c'est ça. Ok. Sam, une idée sur la question ? Moi, je comprends pas ce que c'est l'intérêt général. Ah la vache ! Non, bah, c'est tout simplement que la notion juridique, au niveau, c'est un cadre juridique qui fait qu'on tombe sous la loi, je crois que c'est la loi Coluche à la base qui fait. Voilà, c'est ça. Je comprends totalement le. Mais je dirais que je suis d'accord qu'après, c'est assez flou le notion d'intérêt général. Je suis assez d'accord. Alors, est-ce que je peux te poser la question autrement, Sam, si tu veux ? Qu'est-ce que tu penses que le GN t'apporte ? Et apporte plus généralement à la société. Alors moi, je vais d'expérience et de ce que j'ai pu voir, des gens que j'ai pu côtoyer, le GN apporte une aisance sociale aux gens qui le pratiquent. C'est probablement valable aussi pour le jeu de rôle dans une certaine mesure, mais vraiment une aisance sociale en public. Et moi, je l'ai vu pour de nombreuses personnes. Et ça, par exemple, c'est extrêmement intéressant. Voilà, des gens vraiment qui s'ouvrent, qui apprennent à communiquer avec les autres. Mmh. Ils apprennent à le faire à travers le personnage. Et après, ils le font naturellement. D'accord. Et ça, je pense que c'est... Ça permet une certaine forme de catharsis, de dévoilement et aider à avancer dans la construction de sa propre personnalité. Aloïs. Donc je voyais Thomas remuer la tête pendant que Sam parlait. Je sais pas si c'était par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il remue la tête. Mais je sais que la... Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Oui ou non ? Je pense Sophie, ta compagne, qui m'avait parlé de ça justement, qu'au début de Vampire, avant de devenir prince, elle avait énormément de mal à parler en public. Et là, après, ça m'a aidé en fait. Elle est beaucoup plus à l'aise. De toute façon, c'est que le jeu de rôle dans la mise en situation apporte énormément de choses. Je dirais que le GN, Sam, Aloïs, vous diriez, et Coem, vous diriez que finalement le GN, c'est ça que ça apporte. Coem, ça enrichit en rencontrant des personnes déjà. Ouais, d'accord. Et puis oui, ça. Bah... Ça reste un jeu de société ? Oui. Et donc ça a les mêmes qualités ? Bah, c'est social. C'est une activité sociale. On n'est pas seul quand on en fait. D'accord. Et comme là, on va être au-delà des mécanismes purs. On va pouvoir côtoyer la personne au-delà du voile des règles, D'accord. À mon avis. Quand même. Ce que ça apporte en plus sur le fait de savoir parler en public ou autre, savoir faire de la joute verbale, comme j'ai envie de dire, on pourrait appeler ça, qui est très présent à Vampire. Ouais. Y a aussi tout un côté autour, ce que ça apporte aux gens, c'est soit on est très riche quand on fait du GN, dans lequel cas on achète tout, ou alors on bricole. On n'a pas le choix. Donc moi, avec le GN, j'ai appris à coudre, j'ai appris à fabriquer des épées en mousse, j'ai appris... Le petit côté fabrique, do it yourself, voilà, vient de dire à Louis sur micro. Sam ? Ouais, puis même tout simplement, ça donne une vie sociale. Enfin, ça paraît con comme ça, mais moi, enfin, pour prendre exemple, sans avoir forcément besoin de ça, ma compagne, je l'ai rencontrée en GN. Beaucoup, tous mes amis quasiment font du GN. Il y a énormément de gens que j'ai rencontrés dans des GN. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui peut-être avaient des difficultés à se créer des liens sociaux, qui à travers ce média, et c'est la même chose avec le jeu de rôle encore une fois, se créer un vrai réseau social, et ça c'est bien, c'est positif. D'accord, ok. Ça on pourrait le dire de tous les milieux associatifs. Tu crois pas ? Alors que là, je te pose la question vraiment sur le GN. Tu vois ce que je veux dire, Sam ? Je pense plus dans un milieu associatif de GN que dans d'autres. D'accord. Ouais. Parce que le côté GN aussi, il faut se lâcher peut-être en public et du coup. Parce qu'on est plus. D'un côté, on se dévoile. On se voit à poil et on se change et on se met en nain. Parce qu'on est plus. Je le fais, sa gueule. On est plus amené à se découvrir que dans un autre loisir, quoi. On peut être dans une association de trompette, passer son temps à parler de trompette, partager un peu. À un moment, par contre, quand tu fais du GN, du jeu de rôle, que tu interprètes un personnage, tu te livres forcément plus avec les autres que. D'accord. Puis ça a un côté séance d'entraînement, parce que on est tous là pour s'amuser avant tout, ça reste un jeu quand même. Enfin, pour moi, c'est quand même ça avant tout. On a quand même un côté où on peut s'entraîner et à la fin, c'est genre, là tu m'as parlé comme ça, mais en fait, t'aurais dû le faire comme ça. Si t'avais vu là, t'aurais pu me baiser sur ce côté joute verbal. On prend du recul et on analyse. Voilà, on prend du recul sur ce qu'on a fait. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire que cette prise de recul sur des situations sociales permet aussi de progresser socialement, peut-être. C'est tout le monde aime refaire le match. Ouais. Voilà, avec la tête de troll. Évidemment. Bon, voilà, c'est déjà ce qu'on pouvait vous dire sur le GN. Un podcast, je pense, trop court pour parler vraiment de toutes ces choses. En fait, on aurait redescende à Nantes. Ouais, il va falloir qu'on redescende à Nantes, peut-être. Parce qu'en fait, je pense que chaque thème qu'on a abordé, que ce soit l'économie et le GN, le GN, qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Finalement, toutes ces problématiques qu'on a défendues, qu'on a essayé de... par biais de podcast avec Thomas, Flavie et Aloïs maintenant qui nous rejoint très souvent. Ils sont des côtés obscurs. l'intérieur de la force. Vous êtes trop près. En tout cas, toutes ces choses, on a voulu aussi les faire partager sur le jeu de rôle, et on pourrait le faire pour GN. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un podcast de la cellule spéciale GN, et toutes les semaines, en hebdomadaire, proposer des... Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a... Sur la confection des costumes, la préparation, l'économie du GN, les débats que ça suscite. C'est très intéressant. La vie associative du GN, la Fédération française de GN, les débats autour de Distorsion et de sa putain de saloperie de déposage. C'est incroyable. Moi, ça me révolte. D'ailleurs, j'ai signé la pétition. Au fait, fête du GN, Aloïs aussi a chopé grâce au GN. Ouais. Oh, superbe. Merci pour l'anecdote. En tout cas, voilà. C'est ça, mais allez signer la pétition sur la Fédération française de GN. Mm. Ça ne peut être qu'une bonne chose. Allez, à bientôt tout le monde. Merci. Salut. À Koé, merci à Loïs d'avoir organisé ce podcast. Et puis merci à toi, Sam, et merci à Thomas d'avoir fait le voyage avec moi. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt. Salut.